File Benji, File Benji, File Benji. File Benji se baladait avec leur chihuahua. Leur chihuahua, leur chihuahua. Leur chihuahua, ils se baladaient avec leur chihuahua. Sorti leur plus beau slip de bain, sorti leur plus beau slip de bain, se balader avec leur chihuahua. Draguer les filles, marcher à l'aldo, tout ça c'était parfait. On les remarquait de loin, de loin, de loin. Ils te regardaient toujours avec un grand sourire. Ils avaient leur petit chien, leur petit chat, se balader. Benji, tu files Benji. Oh mon Dieu, c'est pas bon de prendre de la drogue. Oui. Thank you.